بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Avec un autre sujet, une autre conférence de Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, dont le titre est l'obligation de comprendre sa religion. يقول حفظه الله أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. يا حفظه الله تعالى il commence sa conférence après les louanges à Allah عز وجل avec ce dua que Allah سبحانه وتعالى fasse de nous et de vous des gens qui comptent on leur donne ils sont reconnaissants, ils remercient. Quand ils sont éprouvés, ils patientent. Et quand ils font le péché, ils se repentent. يقول حفظه الله كما أسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه والصبر على ذلك، وأن ينور قلوبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يحجب ذلك بذنوبنا إنه سبحانه سميع مجيب. ديكم جمون جدمون دار الله سبحانه وتعالى دونو دوني أنسي كفومهم la compréhension de la religion et le fait de patienter à comprendre la religion, et que il illumine, Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs avec le livre, son livre, et avec la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et que le péché ne soit pas un voile contre le fait de comprendre notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est proche et qui entend tout. يقول حفظه الله أيها الإخوة لا شك أن إنزال هذا الدين على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أمر جلل عظيم، كما قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وقال سبحانه عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالقرآن نبأ عظيم، ودين الإسلام نبأ عظيم، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم. Il dit, frère en Allah, il n'y a aucun doute que la descente de cette religion sur Mohammed alayhi salam est quelque chose d'énorme et de noble. Hein? Quelque chose de très important. Il est dit dans le verset, dit, c'est une nouvelle qui est énorme, qui est géante, alors que vous vous détournez de cette nouvelle. Il est dit dans l'autre verset, sur quoi il te pose des questions? Il te pose des questions sur la nouvelle géante. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, cette nouvelle géante, c'est le Coran, c'est la religion de l'islam. Et l'envoi de Muhammad alayhi sallatu salam, c'est une nouvelle et une annonce géante. ولهذا يقول الشيخ وجب على الجميع من العقلاء وذوي الألباب الذين يعلمون ما يصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم أن يرفعوا رأسا بهذا الدين وأن يقبلوا عليه كما أقبل عليه الرعيل الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Il dit حفظه الله تعالى c'est pour ça qu'il est obligatoire à tout un chacun qui est doué de raison et qui a une raison qui est saine et qui sait ce qui va être bien pour son bas monde et pour son au-delà, de lever la tête avec cette religion et d'être honoré de faire partie de cette religion, et que ils doivent accourir vers cette religion comme accourir ont couru vers cette religion, la première génération de l'islam, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran. Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont fermes avec les mécréants. Ils sont cléments et doux entre eux. Et tu les trouves toujours prosternés pour Allah azza wa jalla. Soit en genuflexion, soit, c'est-à-dire en adoration, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. والرعيل الأول من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا فأتمروا ونهوا فانتهوا وعمرت قلوبهم بالإيمان وعمرت نفوسهم بتوحيد الله جل وعلا وبالإقبال على القرآن والفقه فيه. Et la première génération de l'islam, qui sont les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, quand ils ont reçu l'ordre, ils les ont mis en application. Quand ils ont reçu lors de s'abstenir de quelque chose, ils se sont abstenus, ils se sont arrêtés, ils ne l'ont plus fait. Leurs cœurs se sont remplis de croyance et de foi, et leur intérieur s'est rempli de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de monothéisme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont accouru vers le Coran, ils se sont ouverts au Coran et à la compréhension de ce Coran. لهذا حفظ هذا الدين بنقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit Cheikh Hafidah Allah Ta'ala, c'est pour ça que cette religion a été préservée par la transmission des dînes qui l'ont pris d'autres dînes jusqu'aux compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Dînes après din, ils ont trouvé les gens, des hommes din. Après d'autres hommes din, ont pris cette religion les uns derrière les autres, ils les ont transmis. يقول الشيخ فالعلم الذي أورثناه محمد عبده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Et cette science que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en héritage, et que Muhammad alayhi salatu wassalam nous a laissé en héritage, le Rasul صلى الله عليه وسلم a dit de cette science, certes les prophètes n'ont pas laissé en héritage un sou ni un dirham, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui prend cette science, il a pris la plus grande part du bien. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا والحديث في الصحيحين. Il dit عليه الصلاه والسلام la chose avec laquelle l'exemple de la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé, c'est comme la bonne pluie qui est descendue sur une terre. Qu'est-ce qu'il fait la bonne pluie quand il descend sur une terre? Il donne la vie à la terre. Ça veut dire que le message qu'a transmis Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est là où il y a la vie, la bonne vie pour les humains. Fa idan kaununa ala miratin min din al-islam laysa hadha amran hayinan wa laysa hadha bil amr as-sahl bal hadha amrun 'azim. وإنما يتفطر لعظمته أولو الألباب وأولو العقول وهذا الدين أوجب الله جل وعلا على عباده أن يتعلموه فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Le fait d'être sur l'héritage de l'islam, le fait d'avoir hérité cette religion qui est l'islam, n'est pas une situation facile, n'est pas une situation à négliger. C'est une énorme situation avec laquelle nous sommes comblés min Allah Azza wa Jal. Mais a pris conscience de cette situation ceux qui sont réellement doués d'une bonne raison, et ceux qui sont doués d'une bonne raison, eux, ils ont pris conscience de la situation de la religion, que c'est un énorme bienfait min Allah Azza wa Jal d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans cette religion qui est l'islam. Et cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire à ses serviteurs d'apprendre les choses qui concerne cette religion. Il est dit dans le verset, le message est adressé, l'ordre est adressé à Mohammed alayhi sallam, mais il concerne toute la communauté de Mohammed alayhi sallam, parce que il n'y a pas quelque chose, un signe qui est là pour nous dire que c'est une particularité au prophète alayhi sallam. Il est dit dans le verset, et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repends-toi de tes péchés. Il a commencé avec la science avant tout. Il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repends-toi de tes péchés. Il fait partie de la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a comblé. Ne plus Allah alayhi, comme l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, il a ouvert un chapitre dans son authentique, il a fait chapitre de la science et la parole d'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Regardez cette clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'imam Bukhari. C'est le chapitre de la science, le livre de la science dans son authentique. Son titre est quoi? Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et repends-toi de tes péchés. Ça veut dire que la science passe avant les actes. Les actes viennent après la science. وقال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Il est dit dans l'autre verset, il faut faire très attention, parce que le terme qui est employé ici, an-nafir, nafara, c'est pour le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce verbe pour la sortie vers la demande de la science. Ça te montre, comme disent les hommes de science, que le fait d'aller à l'apprentissage de la science est beaucoup plus important que le jihad. Il est dit dans le verset, c'est certain, partez, sortez. Nafara. C'est de chaque groupe par une petite élite, un petit groupe, pour aller apprendre la religion, pour revenir après, avertir les leurs. Ils vont pour l'apprentissage, ils se débarrassent de leur ignorance, ils apprennent, et après ils reviennent, et ils débarrassent les leurs de leur ignorance aussi. Et ça, c'est ce qu'il a appelé l'imam Ahmed, rahimahullah, la sincérité de la science. La sincérité de la science pour l'imam Ahmed, c'est le fait d'apprendre cette religion pour te débarrasser de ton ignorance et pour aider les autres aussi à sortir de leur ignorance. يقول الشيخ حفظه الله ولا شك أن بقاء الدين عزيزا إنما يكون ببقاء العلم وببقاء العلماء. لهذا صح عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره أنه قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا, وفي رواية لا يقبض العلم انتزاعا, أي لا ينتزعوا من صدور العلماء, لكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث يعيش واقعا معنا الآن. الآن هذه مصيبتنا الكبرى. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'arrache pas la science. N'arrache pas la science de la poitrine des hommes de science, mais il fait mourir les hommes de science. Et quand il n'y a plus d'hommes de science, qu'est-ce qui arrive aux gens? Ils prennent à leur tête des ignorants. Et ces ignorants, on va leur poser des questions. Ils vont émettre des verdicts. Eux, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Et ce hadith, frère en Allah, Azza wa Jal, vit sa réalité maintenant dans ce monde dans lequel nous vivons. Combien d'ignorants maintenant qui n'ont rien de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui émettent des verdicts dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez, en peu de temps, même pas en l'espace d'une décennie, nous avons perdu combien d'hommes de science? Les montagnes d'hommes de science de notre siècle, nous les avons perdues en l'espace de quelques années, l'un derrière l'autre. Et il est évident que la mort des hommes de science, ils ont dit qu'après, c'est les ignorants qui prennent le devant. La situation est devant nous. Nous n'avons pas besoin. Toutes les perturbations, les ambiguïtés qui sont apparues depuis maintenant une dizaine d'années, c'est depuis qu'il y a eu la mort du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Al-Utaymin, du Cheikh Mokbel. Quand ces hommes-là étaient là, aucun innovateur n'osait y mettre une ambiguïté, etc., parce qu'ils savaient qu'ils étaient là, hein, qu'ils vont la réprimander, et que les hommes et que les musulmans font confiance à ces hommes de science qui vont les écouter, qui vont les mettre à la quarantaine. Mais une fois que les hommes, les grands hommes de science sont morts, ils ont sorti leur corps petit à petit. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il reste encore des hommes de science dans cette communauté qui leur coupe les cornes. Qui leur coupe les cornes. Chaque fois qu'il y a la corne d'un innovateur qui apparaît pour perturber la communauté, il trouve en face de lui un homme de science qui anéantit ses ambiguïtés. Hein? Et qui rappelle à la communauté que faites attention. Hein? Faites attention. Les idées de cet homme ne sont pas bonnes. Les idées de cet homme ne vont pas de pair avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Malgré, faites très attention. Même si cet homme apparaît dans les chaînes de télé. Les chaînes de télé, ce n'est pas le repère. Peu d'hommes de science dignes du nom apparaissent sur les chaînes de télé. Hein? La majorité des hommes des du'ats sur les chaînes ne sont pas dignes de leur voix de plusieurs. Il y en a trois qui apparaissent, comme Cheikh Al-Luhaydan, comme Cheikh Salah Al-Sheikh, ou là comme Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh. Parmi ceux qui sont dignes de la voix de leur plusieurs, les Aïd, les Karni, les Salman, les Kada, ils ne font pas partie de la voix de leur plusieurs, d'Allah Alim, comme les hommes de science l'ont montré à la communauté. Donc il ne faut pas. Et, subhanallah, les hommes de science ont averti contre eux, les Aïd, les Salman, et subhanallah, dès qu'un se déplace en Europe, en Belgique, la jeunesse court. Où vous allez? Où il est dans ces cas-là le fait d'écouter, d'obéir aux hommes de science? Hein? Quand on ne sait pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander aux hommes de science. Mais où le fait? Pourquoi on tombe comme ça? Hein? Alors que les avertissements sont énormes. Et preuve à l'appui. Hein? Ou là on aime les vues de Taria. On aime les têtes d'affiche. Subhanallah. Notre religion n'est pas basée sur les têtes d'affiche. Notre religion, c'est qu'à Allah. Qala Rasuluhu, qala Sahaba. Notre religion n'est pas basée sur les masses. La masse et la recherche de la masse, ce sont les égarés qui parlent de masse. Parce qu'au moins, il faut un truc pour la politique. Donc la politique a besoin de masse. Et la vérité, hein, même si tu es tout seul, comme il a dit, le jama'a, ce qui est la vérité, même si les gens sont peu nombreux, c'est ça le jama'a, c'est ça la vérité. Du moment que c'est la voix du prophète, et c'est la voix des compagnons, et c'est la voix de ceux qui suivent les compagnons à la perfection, ça c'est la vérité sur laquelle tu dois mordre. Tu ne dois pas être comme une plume qui est dans le vent. Le vent il vient de l'est, il te prend. Le vent il vient de l'ouest, il te prend. Subhanallah. Hein? Regardez cet exemple que nous a laissé l'imam Malik, rahimahullah. Un homme est venu le voir. Il a dit, je veux débattre un peu avec toi. L'imam Malik lui a dit, ben, si tu as le dessus sur moi, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu me suis. L'imam Malik le regarde et lui dit, et dans ces cas-là, c'est un homme qui a plus de tchatch que moi et toi, il vient. Et il ne met KO, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on le suit. L'imam Malik l'a regardé et lui a dit, attends. Moi, je suis sur une certitude dans ma religion. Laisse-moi tranquille. Va, moi, je ne suis pas en doute. Donc, la voix de nos puissants, d'Allah, même si c'est une certitude, quand on est dessus, on mord dessus. On bouge ni à droite ni à gauche, peu importe. La masse, ce n'est pas un signe de vérité. Loin de là, l'islam. La masse n'a jamais été un signe de la vérité. Et les hommes ne sont pas le signe de la vérité. La vérité, c'est elle qui nous fait connaître les hommes et non pas le contraire. La vérité, c'est la vérité. Et les hommes, on les pèse avec la vérité. Hein? Et la vérité, puisqu'on est nouveau, on est novice, on n'est pas immunisé avec de la science, chez qui on va l'apprendre? C'est ceux qui sont dignes de la voix du puiseur d'Allah. C'est les savants, S-A-V-A-N-T, dignes du nom. Ils n'ont pas les savonnettes de Marseille. On glisse, tu tombes. Hein? Et tu te casses les dos. Le fait de te casser le dos, c'est rien du tout. Mais le fait de t'égarer à l'islam et de mourir sur la voie de l'égarement, c'est ça le danger. Parce que c'est la perte de ce bas monde et de l'au-delà. Il faut faire très attention. Rassi, Abdullah ibn Mubarak, Mohamed ibn Sirin, et les autres avant ont dit que la science de cette religion est une religion en soi. Regardez chez qui vous l'apprenez. Là, ils savaient pourquoi. Ils savaient pourquoi. C'est pour ça, frère en Allah, Azza wa Jal, il faut respecter la voix de nos puiseurs d'Allah Alim. Il faut se cramponner dessus. Il ne faut pas se faire avoir par les ambiguïtés et par la masse et par les télés. Les télés ne seront jamais un repère. La télé n'est jamais un repère de vérité. Il se peut comme ça parce que ceux qui sont derrière les télés, derrière le programme, ils savent que ça ne peut pas passer. Il faut un peu de vérité, un peu de gens de bien. Comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il a dit les gens de l'innovation, s'ils ne ramènent pas un peu de sunna, personne ne va les suivre. Mais ils ont un peu de sunna avec. C'est pour ça que c'est... Hein, ils sont intelligents ceux qui tirent les ficelles dans les télés. Donc de temps en temps, ils invitent un digne du nom. Hein? Et quand tu pars, et tu le sens, tu sens l'impact chez les gens. Tu dis, mais t'as vu? Mais Cheikh Salah al-Sheikh était là, dans cette chaîne, donc c'est bon. Subhanallah. Et avant Cheikh al-Sheikh, combien de déglingués sont passés qui t'ont déglingué dans ton esprit, dans ton ménage? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, salam al-afiyah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. On vit un siècle de perturbation et d'ambiguïté. La plus grande caractéristique de ce siècle, c'est les ambiguïtés. Hein? C'est ces choses-là qui t'apparaissent qui sont correctes. Alors que c'est du vide. Hein? C'est du faux. C'est de l'égarement total. Mais c'est déguisé. Parce que si tu le vois directement du faux, on te dit que c'est du faux, tu ne vas pas prendre. Mais on te le déguise. C'est ce qu'on appelle trivial. Il te vient par l'aspect que tu connais de la vérité pour t'induire en erreur à l'islam. يقول حفظه الله تعالى لم يحفظ هذا الدين إلا بتوفيق الله جل وعلا ورحمته ومنته ونعمته بسبب جهاد الصحابة رضوان الله عليهم في امتثال العلم الذي ورثه إياهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit حفظه الله تعالى cette religion a été préservée par Allah عز وجل par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli, a couvert cette communauté de clémence. Hein? Et a fait aussi que ses compagnons de Muhammad alayhi sallam ont fait des efforts pour transmettre cette religion pure, telle qu'ils l'ont reçue de Muhammad alayhi sallam. Ils l'ont mis en application, ils l'ont transmise. Cet héritage et cette science qu'ils ont eue de Muhammad alayhi sallam, ils l'ont transmise. Hein? À ceux qui les ont suivis. Et ceux qui les ont suivis, qui les suivent à la perfection, ont fait de même. Et ainsi de suite. يقول لهذا كان من أعظم الجهاد بل هو أعظم أنواع الجهاد الجهاد في التفقه في الدين والتعلم. C'est pour ça que le plus grand des jihads, le plus grand du combat, et le plus important sur laquelle, duquel, du coup, le combat sur le santé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'apprentissage de la science. Et il est plus difficile que le combat sur le santé d'Allah, azza wa jal. Et c'est pas facile, ça vient pas comme ça. Des efforts. Hein? Il ne vient pas avec le repos du corps, comme il a dit le khatib al-Baghdadi, rahimahullah. Ni avec le fait d'être, hein, comme vous dites, cool Raoul dans ses babouches. Là, l'islam. Il faut que tu subisses, il faut que tu souffres, il faut que tu endures, il faut que tu sentes la douleur un petit peu au niveau de tes genoux, il faut que ton sarwal et ton kamis, tu l'uses sur une natte devant un chir, Ils devront un savon comme tu as usé ton jean et ton, hein, ton côtelet sur les bancs de l'école laïque. Tu dois faire de même, Akhal Islam. Ça ne vient pas comme ça. Il faut des efforts. Ça demande un combat sur nous-mêmes. Et un sacrifice au niveau du temps, au niveau des moyens, etc. Il y a un sacrifice à se faire étranger quelque part pour pouvoir apprendre. Hein? ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إليه فقال يا ابن عباس رضي الله عنهما أريد الجهاد في سبيل الله فقال له ابن عباس ابن مسجدا وتعلم العلم وعلم فيه الفرائض والسنن فذاك أفضل لك وقاضي لكم بخيونسون دي بيزير رضو الله عليهم النوم يفني فواق عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم. Il lui a dit, non, pas, je veux combattre sur le sentier de l'Azza wa Jal. Abdullah ibn Abbas le regarde, il lui a dit, le mieux pour toi, construis une mosquée. Enseigne dans cette mosquée le Coran. Enseigne les obligations. Enseigne les sunan. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Abdullah ibn Abbas, c'est qui, frère en Allah Azza wa Jal? Le modèle du demandeur de la science par excellence. Et le compagnon à qui Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a fait un énorme doa. Il lui a tapé sur la poitrine et il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension de son livre et la compréhension de la religion. Et il est évident que le doa de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam est exaucé min Allah Azza wa Jal. Et regardez vers où? Parce que la base du jihad même, combien il a besoin d'apprentissage, de connaître les règles, avec qui tu le fais ou avec qui tu ne le fais pas, quand il est obligatoire, quand il ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire. Que certains, les prétendus djihadistes, ils égorgent des gens comme des moutons et croient qu'ils sont dans le djihad, loin de là. Ils tuent les femmes, les enfants, etc., les vieillards. Où? D'où vous prenez que ça, c'est un djihad? Wallah, il ne l'est pas dans les enseignements de Mohammed alayhi salatu salam. Mais dans autre chose, certainement. Mais dans les enseignements de Mohammed alayhi salatu salam et dans la voie du puiser, Allah, il ne l'est pas. C'est pour ça, frère en Allah, Azza wa Jal, quand vous êtes dans des pays pareils, hein, et que je crois que des fois, il faut réfléchir. Chaque fois qu'on a besoin de faire des rencontres, d'avoir quelqu'un pour qu'on puisse apprendre notre religion ensemble, on a besoin d'aller frapper chez les innovateurs. C'est un petit peu honteux, non? Donc ça fait partir des sacrifices. Tant qu'on est là, chacun de nous dit qu'il va faire les hijras. Mais tant qu'on est là, on reste les mains croisées. On est à la merci des innovateurs. À chaque fois, on va frapper à leur porte. Et les réponses sont toujours identiques. Cette année, c'est la même chose. Le prochain mois, c'est la même chose. Ça y est, on n'a pas marre. On n'a pas marre à chaque fois. Hein? Se faire rejeter comme ça. Subhanallah. Oui, on est d'accord avec toi qu'on fasse les hijras. Mais tant qu'on est là, il faut qu'on accomplisse notre devoir. Il faut qu'on ait un endroit digne. Même s'il est petit, midi, pour apprendre notre religion, pour que nos enfants puissent y apprendre. Et cet endroit a besoin de nous, des sacrifices. Pourquoi par Allah, les innovateurs, ils sacrifient de leur temps, ils sacrifient de leur argent. Et nous, qui, Inch'Allah, ne sommes sur la vérité, on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? On veut tout gratos. Hein? Et on veut enlever les mosquées aux autres. Laisse-les, Houma, fais la tienne. Hein? Combien de fois, et que dans combien de régions, bientôt on pourra. 10 ans passés, ils n'ont jamais pu. Tu ne pourras pas, Khalid Islam. Tu crois que Ouma, c'est... Ils ne savent pas. Ils savent qu'ils ont en face d'eux. Ils savent qu'au moins, ils ont les armes contre toi. Hein? Et qu'ils ne te laisseront pas faire. Hein? Est-ce que maintenant... C'est trop demandé, 10, 15 euros, 20 euros, 50 euros à donner pour avoir un lieu, pour être tranquille, pour qu'on ne te mette pas des bâtons dans les roues et qu'on ne te dicte pas. Ça, tu le dis, ça, tu le dis pas. Par Allah, c'est trop cher. Subhanallah. Et on calcule avec nous-mêmes. Combien de temps on perd dans les snacks, dans les pizzas, etc. Des fois, gars, on se la joue. La table de 5, allez, c'est pour moi. Et ouais, donc pour moi, que tu as fait là, bah fais-le en sacrifice pour ta religion. D'accord avec toi qu'il faut qu'on sorte d'ici. Que Allah subhanahu wa ta'ala le facilite à tout un chacun de nous. Mais dis-toi bien que peut-être ce sacrifice que tu fais, de ces dizaines d'euros, ou là une vingtaine d'euros, ou là ce que tu peux par mois, peut-être le moyen de cette sadaqa dans laquelle il va y avoir un bien à longueur de temps qui va te faciliter. C'est une sadaqa jariya. C'est une sadaqa jariya. Hein? Ça veut dire que c'est une charité qui tourne tout le temps, même une fois mort, celui que tu auras laissé derrière toi. Tu as été un des éléments pour l'acquisition de cet endroit ou pour la construction. Hein? Tous ceux qui vont venir, qui vont profiter dans cet endroit-là, tous ceux qui vont apprendre le Coran comme il se doit, tous ceux qui vont apprendre la langue arabe, tous ceux qui vont apprendre la voix de leur puséeul et la sunna de Mohammed a.s. Dans les hasanats, tu gagnes avec eux. Ça diminue en rien pour eux. Et toi, tu prends avec eux. Subhanallah. Mais on ne sait pas compter. On compte juste au bout de notre nez. Hein? On ne sait pas compter au loin. Et ces enfants que nous allons laisser derrière nous, peut-être par ce moyen et par cette œuvre que nous allons faire, peut-être après, hein, après la protection de l'Allah, peut-être que c'est un moyen pour les protéger aussi. Faut réfléchir plus loin. Hein? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il vaut, quel est notre sacrifice, quoi notre position vis-à-vis de la voix de nos plusieurs, wallah, qu'est-ce qu'il pèse pour nous, qu'est-ce que nous avons fait pour cette voix. Voilà, comme il a dit Cheikh Abdullah, le Bukhari, hafidhahoullah, devant une assemblée d'hommes de science, a dit la da'wa salafia a besoin de capital, il y a besoin d'hommes qui la soutiennent. Et besoin d'endroits, etc. Il faut savoir, frère en Allah, qu'est-ce qu'on veut. Hein? On veut le bien partout. On veut que cette dawa soit propagée et arrive partout. Il faut se donner les moyens. Et les moyens ne t'attendent pas. Hein? Bientôt, ils vont construire une mosquée. Qui va la construire, Tiblir? Et tu crois que Tiblir, ils vont te laisser faire ce que tu veux? Subhanallah. Toi, tu es en guerre avec eux ici. Et tu veux aller chez eux là-bas? Arrêtez, Allah est dit quoi. Subhanallah, où est-ce qu'on va? Pourquoi on est en train de se voiler la face? Pourquoi on se détourne de la vérité? Tu crois qu'ils ne te connaissent pas? Vous êtes dans le même périmètre. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu leur fais la guerre. Tu ne pourras rien prendre. Hein? Mais retrousse les manches. Sacrifie pour ta religion. Sacrifie pour la voie de tes puiseurs, d'Allah alayhim. يقول الشيخ ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم وطلب الفقه في الدين أفضل من جهاد التطوع الذي لم يتعين على المسلم وذلك لأن حفظ الدين يكون بوسيلتين. C'est pour ça, il dit, حفظه الله تعالى, que la majorité des hommes de science sont allés vers la voie que la demande de la science et le fait d'apprendre sa religion, de comprendre la religion, d'avoir, hein, la compréhension de la religion est mieux que le combat sur le sentier de Allah, subhanahu wa ta'ala, le combat du domaine du combat surrogatoire, qui n'est pas obligatoire à tout individu, qui est du domaine de l'obligation collective. Ben, la demande de la science est plus importante que ce combat. Parce que la protection de la religion se fait avec deux moyens. حفظ الدين يكون بوسيلتين. يكون حفظ الدين برد أعدائه الذين يقاتلون بأنفسهم ويكون حفظ الدين برد كيد الأعداء والشيطان والنفس بانتزاع العلم من الناس لأنه إذا نزع العلم فاض الجهل وجاءت الضلالات وأنواعها. Il dit, حفظه الله تعالى, parce que la protection de la religion se fait en repoussant les ennemis d'Allah, عز وجل, ceux qui combattent cette religion. Hada d'une part. Il se fait aussi avec le fait de repousser les manigances d'Yel Shaitan et les ruses d'Yel Shaitan et les ruses d'Yel Hawa, le Hawa de la personne, les passions. Parce que Shaitan et nos passions nous éloignent de la science. Et quand on est éloigné de la science, qu'est-ce qui nous arrive? On patauge dans l'ignorance, comme il nous arrive maintenant. comme la situation dans laquelle on est maintenant. On patauge dans l'ignorance. Il n'y a pas de science, c'est l'ignorance. Et c'est les ignorants qui guident. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ignorance, il est la source de l'égarement et de la déviance. C'est pour ça, صدق الإمام ابن القيم رحمة الله إذ قال الجهل داء قاتل شفاؤه في أمرين اثنان قرآن وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني ابن القيم في ديفغي رحمه الله تعالى il a dit l'ignorance est une maladie qui tue et son remède il est dans deux choses Coran et Sunna, mais il faut autre chose. Ce médecin, cet homme de science divin, qui te prend par la main et qui te fait évoluer dans les sphères de la science, il commence avec toi au premier niveau pour t'amener au deuxième niveau. Il te fait évoluer petit à petit. Hein? Là, il y a le remède. Là, il y a le remède de cette ignorance. Fait quoi le cheikh? ولذا جاء موضوع هذه المحاضرة وهو ضرورة التفقه في الدين. Il dit partant de là puisque la situation est ainsi vient cette conférence qui dont le titre est l'obligation de comprendre la religion. يقول حفظه الله والدين ليس مخصوصا بالحلال والحرام ولذلك التفقه في الدين لا يعني العلم بالفقه فقط وإنما هو يعني التفقه وهو التفهم والإدراك والتعلم لدين الله عز وجل الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. Il dit حفظه الله تعالى la religion, ça ne concerne pas tout simplement le halal ou le haram. Bien sûr, l'illicite et le licite font partie de la religion, mais ce n'est pas toute la religion. C'est pour ça que la compréhension de la religion, la science de la religion, c'est de comprendre, hein? La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. De comprendre tout ce qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wa salam. Fait partie de ça, bien sûr, le licite et l'illicite. يقول الشيخ وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء مع دخولها في علم الدين وعلم الفقه قسمها العلماء لأجل تنويع الطلب وتيسير الطلب على الناس. Il dit cette religion Il y a différentes sciences qui ont rapport avec cette religion. Les hommes de science ont divisé la science de la religion en plusieurs branches. Alors que tout rentre dans la science de la religion. Et les hommes de science l'ont divisé pour faciliter la demande de la science. Pour faciliter la demande de la science aux gens et aux demandeurs. Lakin, fil haqiqati, حقيقة الدين في قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام mais en réalité la signification et la définition de l'islam il est dit de la religion il est dit dans le verset la religion chez Allah c'est l'islam tout وفي قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذا يشمل جميع ما جاء في القرآن وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه التوحيد وتدخل فيه العقيدة ويدخل فيه الفقه بالحلال والحرام ويدخل فيه السلوك ويدخل فيه ما يصلح القلوب وأشبه ذلك مما فيه عز وقوة لأهل الدين بتعلم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يلدي حفظه الله تعالى Et aussi le verset qui dit, si certains parmi eux sortent, si un groupe parmi eux, de chaque tribu ou de chaque région, sortent pour aller apprendre la religion, pour revenir après avertir les leurs, pour aller apprendre quoi ? La religion. Et cela, ça englobe tout ce qui est contenu dans le Coran. La religion, c'est tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qu'il y a dans le Sunna du prophète alayhi sallam. Donc fait partie de la religion, le monothéisme. Les croyances, hein, le halal, le haram, le comportement, les choses qui vont purifier le cœur, et ce genre de choses, tout ça fait partie de la religion. Toutes les choses qui font la gloire, la suprématie, l'honneur de la religion, sont dans ce qu'il a été, dans le fait d'apprendre ce qui a été descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam. فتعلم أركان الإسلام والفقه في ذلك فقه في الدين وتعلم أركان الإيمان وهي العقيدة والفقه في ذلك فقه في الدين وتعلم السلوك وما تصلح به القلوب والفقه في ذلك فقه في الدين et le fait d'apprendre les piliers de l'islam, le fait de les comprendre, ça c'est comprendre la religion d'Allah. Et le fait d'apprendre les piliers de la foi et de les comprendre, de comprendre sa aqidah et ses croyances, ça, ça fait partie de la compréhension de la religion. Et le fait d'apprendre le comportement et les choses qui vont purifier ton cœur, ça, ça fait partie de la compréhension de la religion et ça fait partie de la religion. Donc tu vois que la religion, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est pour ça que les hommes de science on fait des branches. يقول ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة وهي الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان وكل واحدة تعني نوعا من العلوم. الإسلام الفقه ونحوه لأن فيه الاستسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان فيه العقيدة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. هذا فيه تصحيح العمل بإحسان السلوك والتعبد لله جل وعلا. Il dit c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que ces trois choses qui sont l'islam, qui sont l'iman, qui sont l'ihsan, qui est la bienfaisance, a fait que chacune d'elles a rapport avec une science différente. A rapport avec une science différente. Et l'islam, c'est le fiqh, dans les piliers de l'islam. Hein? C'est le fait d'être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ses interdits. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé des piliers de l'islam. Hein? Et l'iman, qui est l'aqida, il en a parlé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et les piliers de cet iman. Et l'ihsan, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le vois, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Il dit à donc ça, le fait d'authentifier ses actes en faisant bien les choses, en accomplissant comme il se doit à la perfection de tes actes et ton comportement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi akhiri al-hadith alayhi salatu wassalam, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Il a dit à la fin de ce hadith, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et il a parlé de l'islam et des piliers de l'islam. Il a parlé de l'iman et des piliers de l'iman. Et il a parlé de la bienfaisance. Et il a parlé aussi d'autres choses. Les signes de la fin des temps. Hein? Que nous allons revenir vers Allah Azza wa Jal et rendre les comptes. Yaqul le Cheikh. فإذا التفقه في الدين ضرورة وأمر أمر الله جل وعلا به وهو يشمل الفقه في الدين والعقيدة الصحيحة التي في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. Il dit حفظه الله تعالى donc la compréhension de la religion est une obligation et Allah سبحانه وتعالى il l'a ordonné. Et ça englobe le fait de comprendre le monothéisme, le fait de comprendre les croyances, d'avoir les croyances authentiques et de comprendre sa aqida qui est dans le livre d'Allah, dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sur laquelle il y a l'unanimité de salaf ridwanullah alayhim. Wa yashmalu aydan al-fiqh bima fihi salah al-ibada wa huwa al-ahkam al-fiqhiyya. Wa yashmalu al-ibadat. Et ça englobe aussi le fait de comprendre et d'avoir la science de ce qui va te permettre d'authentifier tes actes d'adoration et de faire les actes d'adoration comme il se doit. Hein? Donc ça englobe, cette science englobe aussi ceci. De comprendre comment je dois accomplir mon odo, comment je dois accomplir ma prière, comment je dois accomplir mon pèlerinage si je dois y aller, comment faire ma zakat si je fais partie des gens qui ont la zakat, etc. ويشمل أيضا الفقه بجميع ما يطلب من المسلم أن يعمله أو يتركه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرق إليها العلماء في كتب الفقه. Il s'englobe aussi toutes les autres choses qui est demandé aux croyants et aux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir, de mettre en application ou alors de s'abstenir de ne pas les faire. Ça les concerne aussi. Ça fait partie de la compréhension de la religion. Et tout ceci, les hommes de science l'ont détaillé dans les livres de la jurisprudence, du fiqh. فَإِذَنْ أَتَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ مَأْمُورٌ بِهِ أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض على ذلك وأثنى على أهله وحذر من زوال العلم والفقه في الدين لهذا كان الفقه في الدين من الواجبات على الناس ويشمل ذلك المراتب التي ذكرنا. Il dit حفظه الله تعالى donc fait de comprendre sa religion c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre. Le prophète عليه الصلاة والسلام l'a ordonné aussi dans sa sunna. Il a incité les gens à l'accomplir et a fait l'éloge des gens qui ont compris leur religion et des gens qui ont la science de leur religion. Et il a averti contre le fait de la disparition de la science et de la compréhension de la religion. C'est pour ça que la compréhension de la religion fait partie des obligations pour les gens. Et ça englobe tous les degrés que Cheikh il nous a cités. إذا تبين هذا لك فإن الفقه في الدين بهذه الأنواع التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى قال العلماء يحتاج إليه كل أحد. الفقه في الدين يحتاج إليه كل مسلم، يحتاج إليه الرجل وتحتاج إليه المرأة، يحتاج إليه العزب ويحتاج إليه المتزوج ويحتاج إليه من في تجارة خاصة ويحتاج إليه من هو موظف في الدولة ويحتاج إليه وتحتاج إليه الرعية ويحتاج إليه الراعي، يحتاج إليه كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، لأنه إما أن يسير في أموره على هدى وعلم وإما أن يسير على غير علم وعلى غير بصيرة. Donc il dit si ceci est clair, la compréhension de la religion dans ses différentes parties, comme il va le détailler inshallah, les hommes de science ont dit ceci est obligatoire, tout un chacun a besoin de cette compréhension de cette religion. Tout musulman en a besoin. L'homme a besoin de comprendre sa religion. La femme aussi. Le célibataire a besoin de comprendre sa religion. Le marié a besoin de comprendre sa religion. Celui qui est dans un commerce particulier a besoin de comprendre la situation dans laquelle il est. Le fonctionnaire de l'État a besoin de comprendre. Pour savoir ses devoirs duquel il doit s'acquitter. Les populations ont besoin de la compréhension de la religion. Les gouverneurs ont besoin de la compréhension de la religion. Et tout un chacun qui est responsable de la situation de la communauté a besoin de la compréhension de la religion. Parce que soit il va accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cette communauté, en mettant en application le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du plaisir d'Allah alayhi, soit il va suivre ses passions, soit il va agir sans science, il va agir avec ignorance. لهذا يقول الشيخ لهذا نشر العلم وإداعة العلم وبث العلم هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى لأن به صلاح القلوب وصلاح الأنفس وصلاح المجتمعات ولأن به صلاح الأسرة وصلاح الفتيان وصلاح الفتيات ولأن به صلاح المجتمعات فيما يؤمر فيها ويسن فيها وينظم فيها من تنظيمات. Il dit حفظه الله تعالى c'est pour ça. Le fait de propager la science, c'est l'un des grands moyens du fait de faire da'wa ila Allah azza wa jal. Parce que la da'wa doit être basée sur une science. L'ignorance, la da'wa qui est basée sur l'ignorance, ne ramène que l'égarement. Car La science, elle, elle ramène la purification du cœur. Une da'wa basée sur la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension du puiseur d'Allah, ramène la purification du cœur, ramène la purification des sociétés. C'est avec cette da'wa qu'on arrive à réformer dans le bon sens les familles. Et on arrive à éduquer les enfants et les fillettes. Et c'est avec, avec cette da'wa qu'on arrive à accomplir les réformes des sociétés comme il se doit, comme il a été ordonné. Et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec ça qu'on arrive à organiser la vie comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فالفقه في الدين أخ الإسلام ليس مخصوصا بالعلماء وليس مطلوبا فقط ممن ينتسب إلى العلم بل الفقه في الدين مطلوب من كل أحد وبهذا قال العلماء الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين ساش فريون الله عز وجل que la compréhension de la religion n'est pas un champ réservé tout simplement aux hommes de science. Il n'est pas demandé tout simplement à ceux qui demandent la science ou que ceux qu'on attribue à la science. La compréhension de la religion est demandée à tout un chacun. C'est pour ça que les hommes de science ont divisé la compréhension de la religion en deux parties. Al-qism al-awwal fardu 'ayn, yajib 'ala kulli ahadin 'aynan an yata'allama hadha al-qism. Wa hadha ma la yasihhu i'tiqaduhu illa bih. Wa huwa ma'na ash-shahadatayn. وتحقيق معنى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا والإيمان الإجمالي فيما أجمل والتفصيل فيما فصل في كل ما أخبر الله جل وعلا عنه من أمور الغيب وكل ما فرضه الله جل وعلا على عباده أن يعتقدوه في ذاته جل وعلا وأسمائه وصفاته أو في أمور الغيب الذي حفظه الله تعالى. La première science obligatoire individuellement, c'est-à-dire tout un chacun est obligé pour lui cette forme de science. Que tout un chacun, il faut qu'il apprenne cette forme de science. C'est la chose avec laquelle il va authentifier ses croyances. La définition de la ilaha illallah. L'accomplissement de la signification, de la réelle définition du monothéisme. Que ce soit au niveau de la souveraineté, ou au niveau du monothéisme, de l'uluhiyya, l'adoration. Ou là au niveau des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et aussi la foi dans son sens général, dans là où il est arrivé dans les textes en général. Et en détail aussi là où il est demandé le détail. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, nous a annoncé dans le Coran, et ce que nous a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parmi les choses de l'invisible. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire sur ses serviteurs, qu'ils doivent et qu'ils sont obligés à croire en l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms, en ses attributs et en ce qui concerne l'invisible. يقول الشيخ يعني ما لا يصح الإسلام إلا به فإنه من علم العقيدة الواجب على كل الأصناف التي ذكرنا من الأغنياء والفقراء من الرجال والنساء. Il dit la chose avec laquelle on arrive à la validité, il y a le temps, à la validité de l'islam. Et si on l'a pas, notre islam n'est pas valide. Au niveau de la science des croyants, qui est obligatoire, ceci est obligatoire. Au niveau des croyants, ceci est obligatoire pour tout un chacun, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, homme ou femme, tout un chacun est concerné par ce domaine de la science de la religion. يقول حفظه الله من أنفع ما يحصل يحصل ذلك رسالة صغيرة اسمها ثلاثة الأصول للإمام إمام الدعوة إمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنه كتبها لرعاية هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المسلم المؤمن جهله في مسائل توحيد العبادة وبعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. Il dit, Hafidha Allah Ta'ala, la chose bénéfique avec laquelle on acquiert ceci, c'est les trois fondements qu'avait écrit l'imam, le réformateur, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh. Il l'a écrite parce qu'il a pris en considération ce côté-là qui est très important. Le côté de faire connaître à la communauté ce qu'il est obligatoire pour eux. Tout un chacun est obligé de connaître ces trois principes fondamentaux qui concernent le monothéisme de l'adoration et tout ce qui a rapport avec et tout ce que l'être humain doit savoir au niveau de sa religion et au niveau de son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, ces trois principes fondamentaux, Cheikh l'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé d'une clairvoyance particulière. Parce qu'il a vu que l'être humain, la chose la première qu'il va rencontrer dans sa tombe, ce sont les questions sur ces trois principes fondamentaux. Donc si l'être humain ne les accomplit pas dans sa vie bas, comment il peut répondre? C'est pour ça que d'où l'origine, la pensée et l'origine de ce fascicule, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve. Hein? C'est quelque chose qui est énorme. Et cet imam a pensé au bien de tout le monde, du commun, de celui qui est ancré dans la science et de celui qui vient de débuter. Parce que c'est une risala qui est simple à apprendre. Son langage est très simple. Les versets sont très clairs. Les hadiths et l'attar qu'il y a dedans sont très clairs. Et ça a permis d'avoir déjà une connaissance sur ce qu'il nous est demandé. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Alhamdulillah, cette risala, vous avez une belle traduction, une belle interprétation de cette risala de Cheikh Al-Uthaymeen. Et vous l'avez en français, alhamdulillah, dans les éditions Anas. Et c'est très important. Vous voyez la risala, comment il était, comment c'est clair. Les trois questions que tu vas retrouver dans la tombe, tu les as là dans un petit fascicule. Avec les preuves. ويقول كذلك في أمور العبادات واجب عينيا على كل أحد أن يتعلم كيف يصلي كيف يتطهر للصلاة. بعض الناس يأتي ويدرك الناس على شيء فيفعل كما فعلوا وربما كانوا مقصرين في بعض صفات الوضوء يتوضأ لكنه يكون مقصرا لا يتوضأ كما أمره الله جل وعلا. هذه تحتاج إلى علم وهذا واجب عليك أخي الإسلام ما دام أن الصلاة فرض عليك فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليك التعلم وجوبا عينيا من الله عز وجل اللي إلا ونعان سي وسي سيل نوزا بغلي دي دومين دي كويونس et du domaine du monothéisme. Il dit, il en est de même en ce qui concerne les adorations. Il est obligatoire pour tout un chacun de nous d'apprendre comment il doit accomplir sa prière, d'apprendre comment il doit faire son roussel, comment il doit faire son odo. Il dit, certaines personnes viennent et regardent ce qu'ils font, les gens, ils le font. Même si les gens sont négligents à ce niveau-là, ils font mal à ce niveau-là, ils les suivent, ils les imitent dans la façon comme ils font le dos. Et il fait le dos alors qu'il lui manque des choses dans son dos. Il ne fait pas le dos comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et celui-là a besoin d'apprendre. Il est obligatoire pour lui l'apprentissage de le dos. Puisque la prière est obligatoire pour tout un chacun. Car la chose qui nous ramène à une obligation devient elle-même une obligation. Comment je dois faire le dos? Donc, l'apprentissage qui va m'amener à parfaire le dos de Mohammed alayhi salatu wassalam, va m'amener à cette obligation. Cet apprentissage devient une obligation. Comment faire la prière? Je suis obligé de l'apprendre. Donc, la chose avec laquelle qui va m'amener une obligation devient elle-même, dans la règle, disons, de science, une obligation en soi. Donc, il est obligatoire pour moi de comprendre, de savoir, d'apprendre la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait son odo. Et je ne dois pas être une photocopie de ceux qui ont fait l'imitation aveugle et qui sont marchés et qui ont appris qu'en regardant, les gens sont réellement à apprendre. Ils ont appris faussement. Ils n'ont pas accompli le dos comme ils doivent. Ils n'accomplissent pas la prière comme ça doit être accompli. Et maintenant, même en français, vous avez de quoi faire. La description de la prière de Cheikh Nasser, rahimahullah, dans les éditions Anas le Bleu, là. Il y a la description de la prière du prophète, alayhi salatu wasalam, comme si tu la vois. De A à Z. Tu n'as qu'à mettre en application. La même chose pour les ablutions. Tu as des fascicules qui te montrent directement les ablutions. Donc tout est à portée de ta main. En plus de ça, combien de frères ont fait l'interprétation de certains livres concernant le chapitre d'Yal Lobo, d'Yal Rusl, d'Yal Salah, avec preuve, en s'appuyant sur les preuves des livres d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. Le travail qu'a fait notre frère Abou Anas au niveau de l'Ouajiz, ça t'amène à accomplir le dos comme tu dois, comme il t'est obligatoire. Ça t'amène à accomplir hada, la prière comme tu dois l'accomplir, et ainsi de suite à l'islam. كذلك إذا كان المرء ذا مال فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة المال وأنصباء المال وأوعية الزكاة ونحو ذلك حتى يكون مبرئا مبرئا لذمته فيما أوجب الله جل وعلا. Aussi quand la personne fait partie des gens qui doivent s'acquitter de la zakat, ils ont la fortune pour s'acquitter de la zakat. Celui-là, il doit connaître les parts, à quel moment le quota commence pour s'acquitter de son devoir. Il doit aussi connaître les personnes à qui il faut la donner. Les 8 catégories de personnes qui sont concernées par zakat. Pour ne pas mettre la zakat n'importe où. Pour la donner à qui de droit. Parce que c'est un devoir duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de certaines catégories qui sont 8 catégories citées dans le Coran. Pour remplir notre devoir. Hein? Et pour qu'il n'y ait plus de preuves contre nous. Devant Allah Azza wa Jal, dont le bien avec lequel il nous a comblé. كذلك الصيام إذا بلغ وجب عليه إذا بلغ الولد أو بلغت البنت وجب عليه أن يصوم كما أمره الله جل وعلا وهو يعلم معنى الصيام وما يصام عنه وما يفطر الصيام وأشبه ذلك وما يتصل بذلك من المسائل. Il en est de même pour le jeune. Quand il arrive à l'âge de puberté, le jeune ou la jeune fille, il faut qu'il apprenne ce que c'est que le jeûne, sa signification. Pourquoi on jeûne, hein? Les choses qui annulent le jeûne. Et tout ce qui a rapport avec le jeûne. كذلك إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أركان الحج وواجبات الحج لأن هذا علم مفروض واجب على كل أحد أن يؤدي العبادة بعد علم. Et aussi quand la personne veut accomplir son pèlerinage, il est obligatoire pour lui d'apprendre les piliers du pèlerinage et les obligations du pèlerinage, car ceci est une science qui lui est obligatoire, parce qu'il va accomplir ce pilier. Donc il faut qu'il sache comment l'accomplir, et qu'il doit l'accomplir avec science. ثم تأتي إلى الأبواب الأخرى في المعاملات في البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم ما يصح به البيع. يجب أن يتعلم ما ينهى الشارع عنه من البيوعات حتى لا يدخل في بيوع محرمة كالربا وبيوع الغرر والجهالات والميسر وأشباه ذلك. Et en ce qui concerne toutes les autres transactions, toutes les situations que tu as dans ta vie, tu dois apprendre, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'achat, au niveau de la vente, tu dois apprendre comment tu dois accomplir ces actes authentiquement, comme il se doit. Pour que tu ne tombes pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Pour que tes transactions ne soient pas haram, que tu ne tombes pas dans le haram, que tu ne tombes pas dans des transactions qui sont interdites min Allah azza wa jal. كذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج فإنه تم حقوق واجبة عليه في عشرته مع أهله. وهذا الفقه يجب عليه أن يتعلمه حتى لا يسير مع أهلي على وفق هواه وإنما يسير على وفق ما أراد الله جل وعلا. Il dit حفظه الله تعالى, quand le musulman veut se marier, il y a des droits qui sont obligatoires. dans le comportement et dans la vie conjugale que tu dois apprendre. Et ça, ça fait partie de la compréhension dans ta religion qui était obligatoire à ce moment-là. Il était obligatoire de l'apprendre et de le mettre en application dans ton mariage pour que tu sois avec la femme que tu as pris comme épouse, comme le veut Allah et comme te le dicte la sunna du prophète, non pas comme toi tu veux et comme tu patientes, tu le dictes. يقول وهذا يغفل عنه الكثير وخاصة الشباب. Il dit ça, cette partie-là, beaucoup sont insouciants à ce niveau-là, et surtout les jeunes, que beaucoup de jeunes sont pressés de se marier. Et donc c'est pour ça que Cheikh il dit ici, ils sont insouciants à ce niveau-là, c'est-à-dire ils l'apprennent pas. Vous voyez, il est pressé de se marier, c'est tout. Il ne prend pas le temps d'apprendre les droits de l'épouse, comment être dans la famille, et ainsi de suite, ce que ses obligations, etc. Ce qui fait que, à la première nuit, des fois, ils ont des problèmes. À la première nuit, ils ont des problèmes. Pourquoi ? Ni l'un ni l'autre n'ont pris le temps d'apprendre. Et c'est normal qu'on arrive à des problèmes. L'ignorance, qu'est-ce qu'il fait ? L'ignorant patauge dans tout. Mais quelqu'un qui a appris et qui sait ses devoirs et qui a craint Allah Azzawajal, il va mettre en application cette science qu'il a appris. Il va mettre en application ses devoirs vis-à-vis de sa femme, la femme du même, de son côté. يقول فإن الشباب يتزوجون ولا يعرفون الأحكام الشرعية في العشرة ولا يعرفون ما يجب وبعضهم يتزوج ثانية ولا يعرف الأحكام أحكام القسمة وكيف يكون العدل بين الزوجات ونحو ذلك. Il dit certains se marient, ils ne connaissent pas les lois du mariage. Est-ce que leur impose la législation au niveau du comportement et comment ils doivent être dans la vie conjugale? Ils ne connaissent pas tout ce qui leur est obligatoire. Et d'autres, ils disent certains aussi combien ils prennent une deuxième. Ils ne connaissent pas les lois. Comment ils doivent partager sa vie entre eux? Et c'est quoi l'équité vis-à-vis des deux épouses? Ils ne connaissent pas tout ça. Donc dans ces cas-là, Ada, vous imaginez comment il va être dans ses actes. Et il est évident que sa balance, en négligeant les obligations de ses femmes ou là de sa femme, il est évident que la balance s'alourdit à l'islam. Hein? Et les devoirs, si on ne s'en inquiète pas ici-bas, il faut savoir que dans le delà, ça nous attend. Et on doit s'en acquitter dans le delà. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous, avant d'accomplir quoi que ce soit, qu'on apprenne, pour ne pas faire n'importe quoi. Combien de gens, ils plongent, ils tombent dans une affaire, à d'après, ils se renseignent. Là, tu te renseignes-toi avant. Renseigne-toi avant. Ton devoir, c'est de te renseigner avant, d'apprendre avant, pour ne pas tomber dans des ambiguïtés. Notre devoir, c'est de demander avant. Hein? Pour être dans une clarté. Quand on fait quelque chose, on n'a plus de soucis. Hein? Il n'y a plus rien. Ça ne travaille plus. On n'est plus perturbé dans notre esprit. On l'a fait en connaissance de cause, en connaissant notre devoir, en connaissant nos obligations et ainsi de suite. Enfin, nous allons arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.